Lining, comment ça va? Bon, nous sommes le 10, bien sûr, juin 2024, et il y a quelques semaines, je me suis fait couper les cheveux. Certains diront dans les années 60 se faire couper la tête, mais bon, peu importe, c'est la même chose, c'est se faire enlever un peu de tif, de poils au niveau du sommet, du zénith. Peu importe. Et moi, depuis que je suis né, donc il y a quelques années, ça fait uniquement 4 ou 5 fois que j'ai les cheveux courts. Mais le court. Quand je dis court, c'est court. Et puis là, les gens sont pas habitués d'avoir les cheveux courts. Et la première journée, lundi dernier, on m'a dit: Ah! Tu t'es fait couper les cheveux! Comment avoir l'air intelligent devant une phrase aussi débile? Non, non, ouais, ils ont tombé tout seuls. Hey, tu t'es fait couper les cheveux? Non, non, non, non, non, non. C'est parce que j'ai marché entre deux pierres au niveau de la tête. Et quand je suis arrivé au bout du chemin, j'ai regardé, tous mes cheveux étaient partis par terre tellement que c'était rugueux. Hey, tu t'es fait couper la tête? Les cheveux? Tu t'es fait couper les cheveux? Hey, non, non, non, non, non. Je me suis coupé, parce que tu vois que je cale un peu, hein, je me suis collé les cheveux un par un. Puis là, comme c'était de la colle bon marché, je me suis lavé les cheveux par la suite et tout est tombé dans l'évier. Hey, tu t'es fait couper les cheveux! Et après une quarantaine de phrases de même, là, la répétition, j'ai dit, là, j'en ai ras-le-bol. Je me suis acheté une perruque et depuis ce temps-là, je vais toujours la porter. Mais laisse pas passer la chance d'avoir ta perruque. Tout devient si beau quand tu joues les nonos. Aujourd'hui, le lundi 10 juin 2024, monte le volume et hume la différence car c'est parti. Mes petits CKRLiens, CKRLiennes, CKRLiennes, c'est ici. Par ici la musique. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-culineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Et en passant, comme j'ai mal décrypté l'album de mon ami Nicolas Pogam, parce qu'on entend encore aujourd'hui Nicolas Pogam avec son album La Balade Sauvage et mon autre ami Urbain Des Bois avec Ma Maison au Travail plus que moi. Comme j'ai mal décrypté la première chanson de qui va nous être présent. Hein, pardon? Oui. Ça s'est mal passé, mais c'est pas grave. Je le prends à même l'album de Nicolas parce que j'ai acheté le disque physique, parce que j'adore quand c'est physique, c'est plus qu'électrique. Alors voici cette pièce qui s'intitule L'œil du tigre. À toi, J'ai Nicolas. mis 14 miles Attends, et quelques attends, attends, yards. attends, Nicolas. Tu mérites que ce soit tout à fait ta chanson sans être coupée ou placé par mes mots. Hein, ça va bien aller, je vous le dis. L'œil du tigre, mon ami, mon incroyable, incontournable auteur, compositeur, interprète, Nicolas Pogam, extrait de son album La Balade Sauvage. J'ai mis 14 miles et quelques yards. Entre moi et ma portée, l'altitude m'attire au nord et des bouts de ciel bleu enchantent mon décor. J'ai gorgé 14 lièvres et quelques grives, des loups pour ma perverse activité. Une espèce pourtant suscite ma peur et je sens serfeuille. Neige tout autour. lune est avec moi, et mes yeux de gros chat, et ma moustache au Mais Rosetta, c'est inquiétant. Elle a un cas tout à fait particulier et c'est ça qui me fait peur, moi. J'ose pas m'avancer là-dedans. Puis je lui ai dit, mais pas Rosetta parce que j'ai pas osé. Une femme comme ça, là, quand elle dit oui, t'oses pas la défier. En même temps, tu risques, hein? Alors, je vais vous dresser le portrait. 36 ans. Trois maris, trois morts étranges. Puis là, bizarrement, elle s'intéresse à moi. Je veux pas mourir dans les bras de Rosetta. Qu'est-ce qu'elle fait, la Rosetta, là? Moi qui n'est pas tout à fait vivant, là. Je suis comme entre la somnolence et la... Comment t'appelles ça? Oui, bien, la répétition du même jour. Ah oui, le jour de la gargote. Ouais, oui. Le jour de la gargote, ben oui. Et ah, ça, c'est le jour de la garlotte. Ah, mon Dieu. Le matin, c'est la garlotte. L'après-midi, c'est la garlotte. Et le soir, c'est... Il a la garlotte comme les autres. Ouais, mais c'est pas tout le temps ça. Il me semble que tu pousses et puis tu pousses dans le régal. Tu pousses dans le quoi? Dans le... Non, il y a pas... Il a dit régal. Dans le régal. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est ça, Rosetta. Lâche-moi ça. Lâche-moi le régal. Rosetta. Femme assez particulière, quoi, mais avec un passé tout à fait époustouflant, pas non, épeurant, qui nous scie le... Oui, qui nous le scie. Puis là, moi, je voulais pas être un homme tronc, là, comme Kenny. Ils ont fait un film, tu aurais pu jouer à Hollywood. Ah, ben, Hollywood, moi. I speak pas English, I speak pas... I speak only French. Oh, monsieur, oui, in French. Hey, French, marry you. Oh! Marry you, I on sent l'anglais, hein? Ça, ouais, tu trouves-tu que ça restait longtemps sur le, à la chaleur? C'est comme le yogourt. Oh, bon, doux. Que de régal dans ce yogourt et que de yogourt dans autant de... Oui? Tu pousses et puis tu pousses dans le régal. Bon. Alors là, ben c'est Rosetta, on va se poser la question, doit-on accepter mon cher Redal? Moi, à ta place, là, j'y penserai deux fois. Puis en même temps, tu sais, t'es quand même avancé. Avancé, ben avant, t'es avancé, ben je me sens plutôt reculé, ouais. Au niveau intellectuel, t'es très reculé, là, mais en âge, t'es avancé. Ah, mon Dieu Seigneur. Avance-moi ça, ma Georgette, à moi. Non, c'est pas Georgette, c'est Rosetta. Non, mais je préfère Georgette, moi. Femme sympathique. Femme folklorique aussi, hein? Belle robe à fleurs, là, puis les abeilles gravitent autour. Non, c'est les bourdons, les gros bourdons puants, là. Ah, ça pue des bourdons? Ah, oui, oui. C'est pour ça, hein, faut toujours se laver le bourdon. Oh, mon Dieu! Si on se le lave pas, ben là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'un bourdon? Oh! Bourdon. Masculin. Un bourdon, donc c'est masculin. Singulier, mais il peut en avoir des pluriels, ça dépend de votre condition et surtout de la façon dont vous apprivoisez les relations. Hein. Les relations, ça peut être singulier ou pluriel. Ah, ben toi, es-tu pluriel? Je suis très pluriel, moi. Ah, moi, je suis gémeaux, ascendant gémeaux. Oh là là! Double plus double, ça fait quoi? Ben, ça fait quadruple. Ben voilà, c'est ça, je suis quadruple. Garde-moi le menton, là. Compte-moi le menton là-dessus, là. Et c'est comme l'arbre, là. Tu analyses l'arbre au nombre d'anneaux qu'il obtient dans son écorce. Ben, à l'intérieur de son tronc, pas l'écorce. L'écorce, c'est difficile à... Il faut couper l'arbre, mais coupez pas. Bon. J'ai planté un rénal au bout de mon champ. C'était ma semaine, je perdrai-je ma peine. Est-ce que je vais la perdre, ma peine? Hey, avant de la... Non, ça, j'en ai aucune idée, mais je tiens à dire à mes auditrices, à mes auditeurs, que je fais une émission de radio actuellement avec l'oreille droite complètement bouchée. Et je me sens bouchée. Non, je me... Mom, non. Mom, parce que si tu dis bouchée, mom va réagir. Là. Puis quand mom réagit, mom... Même en prison, là, hey, y a un insignifiant qui parlait de moi, là, à radio. C'est quoi, cette radio-là? Il faisait blaguer, hein. Il fait dans le coco. Ah, ben, pas les cocos. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec les cocos? On les sort? Non, oui. non, dans le coco communautaire. Oh, bon. Combien il y a d'auditeurs? Alors, on peut pas l'estimer parce que c'est autant le réseau radiophonique traditionnel, les ondes actuellement, nous sommes vendredi, il est minuit 5, là, OK? Mais autant aussi, OK, à travers les circuits cybernétiques. Ah, ben, ça se perd partout dans le cybernaute. Puis là, Rénal Gagné a actuellement des problèmes de branchement, problème d'oreille, problème de branchement Internet. Puis il peut pas tout envoyer ses vidéos, il est en retard de 3 semaines. Ah, il va falloir faire quelque chose, débloquer un budget, mais oui, la seule chose que je peux débloquer, c'est que hier, j'ai eu beaucoup de problèmes gastriques, je pourrais débloquer un petit rôle, là. Ben, voyons, t'es bien vulgaire, je peux débloquer. Des fois, mais pas toujours. J'ai pas envie d'aller travailler, des fois, mais pas toujours. J'ai même pas envie de me lever le matin, des fois, pas toujours. Des fois, mais pas toujours. J'essaie de pas trop boire rapport à ma santé, des fois, mais pas toujours. Je vais quand même prendre un petit verre de quelque chose, des fois. Ce monde est dans cette terre. Il y a beaucoup de choses à changer. Quand c'est pas les couches de la petite, c'est les breaks sous le char. Dans ce monde sans pitié, beaucoup de monde se cherche. Un parking, un coloc, une occasion, une raison d'être. Puis ça arrive des fois. Mais pas toujours, des fois, et ne pas toujours. J'ai un peu le goût d'aller me tuer, des fois, mais pas toujours. Ça m'arrive même d'essayer, des fois, mais pas toujours. mais pas tous les jours. Ben, je suis rien, moi, là. Je suis le supervisor. Ben oui, mais arrête de superviser, puis vas-y! Non. Hey, le travail de supervisor, de celui qui supervise, c'est de voir à tout ce que c'est. Hein? Non, c'est... Supervisor, mon travail, là, parce que j'en ai un, c'est de vérifier... Aligne tes mots, ben je suis incapable, moi je suis un supervisor. Dans ma tête, là, c'est classifié. Ben vas-y, mets ta phrase, mets ton nom, ton sujet, ton renom, ton dénom, ton renom. Oh mon dieu, je renonce à rien, moi. Non, rien de rien, non, je ne renonce à rien. Il n'y a pas d'écho. Ah oui, il y en a. C'est ça l'oreille bouchée, hein? Tout est. Ça rentre plus, ça sort plus, ça reste coincé. Mais bref, tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est moi qui supervise. Alors, en supervisant, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Tu vérifies que tout ce qui est mis à la mesure du celui qui fait l'animation, là, l'animateur, tout ce qu'il a en main fonctionne bien. Alors, c'est moi qui ai l'huile. Alors, donc, je huile l'émission. Ah, oh, mon Dieu! Ça va glisser, t'as eu de la misère à... Ah oui, parce qu'il faut dire que j'ai un congestionnement rénal. Non, c'est nasal, rénal, rectal, partout. Moi, je suis bouché. Lui, c'est l'oreille, moi, c'est partout. Ah, je comprends rien, je sais rien, je veux rien. Ma femme m'a dit que c'est une dépression. Mais voyons, donc, t'es pas dépressif. Ah, je suis très dépressif. Moi, je dis après l'hiver... C'est l'hiver, puis après l'hiver, ben c'est encore l'hiver, puis mon pays, c'est l'hiver, puis plus c'est l'hiver, plus il fait froid, on dirait que plus ma peau refroidit, et plus elle refroidit, plus elle devient givrée, et plus je suis givré, plus ça fait des bonnes émissions, c'est givré, émission, ça, t'as rien compris, insignifiant, je t'aime. Monsieur le Président, c'est toujours là qu'il fait, c'est prévu ça. C'est des... comment t'appelles? Au théâtre, c'est quoi? Moi, j'ai dit c'est des similaling. Ben non, c'est des apostrophes. Oh, des apostrophes, c'est apostrophe tout le texte. Alors, si, exemple, Molière a dit... Ah, mais peux-tu mettre de l'écho moliéresque? Ah, je connais de cet ange que les ailes, mais pourquoi le halo ne me dit pas bonjour? Ça, c'est pas de Shakespeare, ça. Non, ça, c'est de mal dire, là. C'est, prends ton temps, mal dire. Endors-toi, là. T'es bon là-dedans. Ah, dors, ronfle-moi ça, là. Ronfle. Ah, sinusal, sinus. Amène la sinus. Ah, la deuxième variante de ta sinus du ré mineur, s'il vous plaît. Hey, monsieur. Il va mourir. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, ça fait j'aime ça, comment je réagis dans ma tête actuellement, là. Hey, qu'est-ce que t'as pris? J'ai le bouchon de Liège dans la... Tout le monde le sait maintenant. J'espère que je n'irai pas à Paris avec ça. En plus, avec les poches de l'air, puis... Les hôtesses de l'air, puis ça m'a pas l'air que je vais me rendre là sans trop de problèmes. Et tous les gens qui veulent savoir. Là-bas, là, quand... Bonjour, est-ce que vous voulez faire l'excellente émission Rérance Renéden? Qu'est-ce que c'est? Qui vous êtes? Êtes-vous un abuseur radiophonique? Faites-vous de la variété avariée? Avariée. Si maman pleure, si maman rit, si maman danse jusqu'au bout de la nuit, si maman rougit, si maman bleuit, si maman coince, s'éblouit devant un Matisse, un maudit Gliani, si maman s'étonne dans sa main fleurie, maman mystifie la tragédie par la quantité de ses maladies, maman magnifie la comédie, quelle belle antique bonne conductrice à vélo. Elle est championne dans les courses à toto. Quand son dos frissonne, la puissance est bonne. Est-ce une émission très, très écoutée? Bonne? Ben bonne, tout est relatif. Écoutez, tout est relatif. Vous m'écoutez, vous? Je vous écoute. Alors, est-ce que c'est bon? Bonjour, est-ce que c'est bon? Allô? Est-ce que c'est bon? Je pense que la vedette a perdu la carte. Elle ne bouge plus. C'est une statue. Hey, la statue! Veux-tu qu'on te... Hein? Non, il n'y a pas de violence ici. Les gens ont dit, ils se marinent, qu'ils vont dire, hey, la statue, veux-tu que l'on te tue? Statistiquement, ça peut pas arriver, ça, là. Bouger, parler, et puis, comment trouvez-vous? Bon. Écoutez, elle veut pas. Amenez-la, madame. Levez ça, là, puis il y a une autre vedette qui va arriver. S'il vous plaît, levez-moi ça, cette affaire-là. Ah, bon, c'est inquiétant. Ça fait peur aux gens. Puis là, on est dans une place publique, là, puis levez-moi ça, là. Amenez l'hélicoptère, faites quelque chose. On n'a pas de but. Peu importe. Pulvérisez-moi cette actrice. Ah, elle bouge pas, elle vit plus, elle ne fait que pleurer. Ah non, elle pleure même pas, les larmes, elle a... On dirait un masque de un masque d'épouvante. Alors sortez-moi cet épouvantail de cette merveilleuse émission qui s'intitule Les races rénaldiennes. Ben oui, oui. Il doit pas avoir beaucoup d'auditeurs. Nous, là, c'est pas la quantité qu'il nous faut, c'est la qualité. C'est la qualité qui nous... Moi, c'est tranquillement, avec le temps, c'est la cavité. Vous avez vu ma petite cavité? Non, c'est à lobotomie. Ah, mon Dieu. Tu pousses et puis tu pousses dans le régal. Ah, je pousse dans le régal. Oui, monsieur le président, toujours. On essaye de se la régaler pas à peu près. On se la plonge comme on peut. Et on se la relève avec grand plaisir. Monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Hey, depuis quelque temps, il me semble que tu fais l'indépendante un peu comme Claude Léveillé lorsqu'il montait sur scène. Il disait plus à la fin « je me fous du monde entier », il disait « je me fourre du monde ». Il disait « fourré, je me fourre du monde ». Écoutez ces dernières reprises de Frédéric, là. « Je me fourre du monde entier quand Frédéric... » Je pense qu'il y en avait ras-le-bas de la chanter, celle-là. Là. Hein? À un moment donné, là, revenez-en, public. Arrêtez de réclamer toujours les mêmes chansons. L'artiste là, évolue. Si vous êtes stagné à... « Oh, c'est beau. Rock voisine, chante-moi Hélène. » Il est tellement habitué. Hein? « C'est sur le sable, les yeux d'alors, j'en ai rencontré des beaux os, la terre qui s'achève s'en ira à 1000 pieds de moi. Hein, » on dirait que c'est pas la voix de Rock voisine. Ah, il est tellement désabusé. « Comment faire pour te déplaire et te renvoyer chez toi, c'est pas chez moi. » Eh, mais on dirait plus, c'est plus lui, hein. Non, arrête de dire, on dirait plus que c'est ça. Mesdames les volontés, vous, chers résidents, sentez-vous le succès? Le succès, les bidous. Tibidam, tibidam, tibidou. Tibidam, tibidam, amen tibidou. Oh, plus il y a de bidou, plus il y a de larmes. Oh, c'est vrai ça. L'argent amène le drame. Pas d'argent, tout le monde est heureux. Dans mon lit, puis c'est encore Ah oui, j'étais heureux, ouais. Ah, ça, c'est pourquoi? Pourquoi donc? Parce que j'étais heureux. Eh, monsieur. Beaucoup de Québécois dans ce sentiment-là. Oui, je sais pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça quoi? Je sais pas. C'est comme ça. Comment? Moi, je le sais. Revisse tes vis. Revisse tes vis, Elvis. T'aurais peut-être dû revisser comme Alice au... Alice. Hey, Alice. Ticou-ticou, païta, ticou-ticou-tica, ticou-ticou-tica, ticou-ticou-tica, ticou-ticou-tica, Hey, un bel hommage, hein? Ah, mon doux. Que de ravages se reportent à votre ravage. Vous êtes le Félix des Hautes du bois. Sans pomper, vous êtes un pompier. Arrête de pomper, le pompier. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Hey, moi aussi, je dis indépendante. Je vais modifier le texte ici, là. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Et croyez-moi, nous le sommes. Ridicule? Ridicule. Dans le plus ridicule. On n'entend plus après deux mètres. 2 mètres, c'est 25 pieds, 2 mètres. Voyons, ben, 2 mètres, 25 pieds. T'as juste un pied, je vais te le mettre dans le dernier. Moi, j'ai juste un pied, moi, je vais te le mettre dans le savoir universel, moi. Si t'en as pas eu dans ta vie, tu vas maintenant en inculquer quelques conceptions. Et là, ça parle, conception, tico, tico, tico, tiki. Bienvenue, à quoi bon faire l'aquaboniste? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste, un faiseur de plaisanteristes, qui dit toujours merde, à quoi bon. Pan, pan, pan, c'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteristes, qui dit toujours à quoi bon, ouais, un aquaboniste, y a pas besoin d'oculiste, pour voir la merde du monde, à quoi bon. Il a raison. Je rencontre la petite fille de Tolstoï. Oh, l'arrière-petite fille. Jolie petite russe. Oh, on aime les Russes, nous. On aime les Russes et la framboise. On aime les Russes et Russes. Non, les Russes sont pas Russes. Y a-t-il des Russes rousses? Ben, souvent, les Russes sont rousses. Pourquoi? Ben, parce qu'elles ont vécu dans les années difficiles, hein. Et on sait que lorsqu'on est né là-bas, c'est froid, ça manque un peu de clarté. Et la couleur vient avec la clarté. Donc le roux, c'est la symbiose. Ça amène le soleil. Tout le monde rêvait d'avoir des roux et des rousses pour s'illuminer l'iris. Et il est parti, lui, là. À quoi bon faire cette émission? On le sait au moins qu'il est parti, hein. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça coûte pas une maudite scène. C'est l'argent qui mène le monde dans l'île. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de gagner. L'aventurier qui court au loin est un animal du genre peu banal qui dirige son pas sûr dans la savane bouffant des moustiques sur la côte d'Opale. L'adolescent qui résiste en dedans est un animal presque infréquentable mangeant des lacs. tabagie. La fille m'a dit pour le crédit. Faudrait que tu repasses cet après-midi. Là et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les l'introduction. Oh mon. Cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Bon, on ouvre le Buck. Oui, monsieur, on ouvre le Buck. Oui, madame, on ouvre le Buck. Biscoff? Oui. Blanche. Mon père m'avait donné une chambre de mansardée, plutôt. Il faut que j'en fasse un atelier. Puisque je continue un peu. Sporadiquement. Et j'amène cette fille qui était pucelle. Oh. On peut pas aller plus loin. On peut pas aller là, il a dit un mot là qui n'est pas autorisé à l'émission. Non, c'est pas à l'émission, c'est dans les ondes. Dans les ondes, on peut pas. Non, ça dézone les ondes. Oh! Ça les envoie ailleurs. Ben oui, ça irrigue vers d'autres sentiers biscornus des règlements étranges. Des règlements étranges? Quel règlement y a-t-il? Ben, oui, alinéa 37, là, c'est indiqué ici, attendez, vue de l'intérieur. Ça a été émis en 89. Émis Gonzalez, tu le connais pas? Ben, je connais Aimé Le Souza, mais non, l'autre c'est Amy, là, en 89, vu de l'intérieur. Il dit ici, c'est quoi le 9? C'est le début de la misogynie. Oh, alors qu'on doit trouver qu'est-ce qu'un Ballard King? Oh, je sais pas, on va y réfléchir, là, mais le début de la misogynie, c'est quoi? C'est une fermeture vers certaines attributions féminines. Oh, c'est très bien dit. Alors, le titre, ça colle. Il fait chaud ici, ça colle de partout. Non, c'est pas... La première phrase, là, on va revenir à Bukowski, s'il vous plaît, monsieur... si on peut, là. Est-ce que nous pouvons? Petit lit de camp. Oui. Je suis sur elle et elle prend peur, alors... Oh. Là, OK, tu es sur elle et elle prend peur. Mais là, on sait pas d'où ça vient, là. On a perdu un petit bout, là. On est comme un peu... On n'est pas comme, nous sommes tous... ébranlés. Arrête de t'ébranler, Raymond. Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine. Ceux qui cherchaient la toison d'or ailleurs avaient bigrement tort. Tous les seigneurs du voisinage, les gros bonnets, grands personnages. s'accroche au cœur. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant, qui pourra chanter la chanson des blés d'or en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas. Ça y prend pas grand-chose. Hein. Il écoute que deux, trois petites phrases, là, puis il y a des démarreurs. Lui, c'est un démarreur à distance. Tu dis intimiste, là. Il est parti, lui, là. Intimiste, il trotte. Il trotte comme le lapin. Oui. Je rencontre la petite fille du... Ah oui, OK. De Tolstoï. Oh. Ou l'arrière petite fille. Là, mais je crois que c'est plus l'arrière petite fille, mon Serge. Tolstoï, pour les gens qui ne le savent pas, Tolstoï est un grand peintre suédoise qui travaillait aux pompes de l'énergie solaire. Et puis, comme Philippe qui? Ben, Philippe Solaire, il avait des idées tout à fait nouvelles sur la nouvelle émergence artistique et structurale de notre société contemporaine. Il voulait, bien sûr, dans toute urbanité, amener un sens à la vie sensuel, révélateur. Et tout ce que je viens de dire, c'est des mensonges, parce que Tolstoï est un écrivain, si vous le saviez pas. Louis était... Louis, oui, ah, moi, j'ai Louis bloqué, moi. Excuse-moi, mon Serge, là, mais j'ai Louis bloqué. Est-ce qu'on peut revenir tout à l'heure à ta petite... Tu oui. rencontres la petite fille oui. de Tolstoï. Mais, je le sais, là. Nous irons dans cette aventure, peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, je le sais pas. Mais c'est la petite fille de M. Tolstoï. Et nous en sommes ravis, mon Serge. Nous avons la bande vidéo. Si vous nous regardez actuellement là sur YouTube... Ouais, mais la vidéo s'est pas rendue, je le sais, ça se rend pas, ça va se rendre à un moment donné. Je vous le dis, là, d'ici la mi-juin, tout sera rentré dans l'ordre. Mi-juin, tout rentré dans l'ordre. Mi-juin. Ah, bon, nous sommes à le début, là. Ben, on est le 10. Il reste combien de temps? Le 10? Oui, c'est le 10! C'est le 10 de... Le 10 de... Zizi Jeanne-Mère. Oh, mon Dieu. Non, c'est pas le 10, c'est le disque. Ah, c'est le disque. Mon truc en plume. Ça fait du bien de l'avoir la plus d'honneur. Mais c'est pas le... Là, on y va avec ça, là. Louis était... Louis, m'entends-tu, mon Louis? Louis a Louis bloqué comme moi. Louis? Il semble que tu pousses et puis tu pousses dans le régal. Oui, dans le régal de Louis. Louis était au Red Pike, Poke, Pig Pack Poke, P-E-A-C-O, P-E-A-C-O-K, Poke. Louis était au Red Poke et il avait la gueule de bois. Hein? Il gossait sa gueule de bois, là, tu sais, c'était comme une pitoune qu'il avait arrachée d'un arbre, donc ça, c'est devenu une pitoune. On sait d'où viennent les pitounes. On comprend pas. Ben oui, mais c'est pas mon problème, moi, là. Prends des cours, là, d'oralité. Aiguise-toi l'oreille. Fais comme la pitoune, là. Gosse la pitoune. Ben oui, voilà. Gosser la pitoune. Rouler sur des pitounes. J'aime la pitoune, tu puissant, créateur du ciel et de la terre. Pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, la pitoune, cet instant sera ton rendez-vous. Moi, j'ai un rendez-vous là, le 27 juillet 2000, mon calendrier, 2012. Est-ce que j'y serai? Je ne crois pas, car le temps sera venu de pour vous de partir de cette terre, oh mon doux, de rejoindre tous vos amis sur la sphère. Ben oui, c'est la sphère, je dois pas partir. La sphère scientifique. Tiens, voyons donc, c'est une nouvelle terre, là. Oui, pour les morts presque vivants. Eh, monsieur, si tous les morts presque vivants gravitent autour de la sphère presque scientifique, la majorité sont là, se retrouvent là. La majorité est là. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu dis? La majorité sont là. Non, la majorité est là. Parce que c'est la majorité. C'est singulier. Tu peux dire la les gens sont là, mais si tu mets singulier, reste avec le « eh ». Ah, mon doux, « eh, j'ai commis une faute ». Ouais, monsieur, t'as commis une faute. Infranchissable. Mais pour toi, comme tu es un simple d'esprit, nous t'en excusons. Nous t'en excusons. Pour tous les gens qui m'ont vu ici graviter autour du mot sans jamais dire le même, Nous nous en excusons. On l'aime, celle-là. Pour toutes mes sœurs, mes frères et mes brebis qui sont ici rassemblés pour rire et pour pleurer, nous nous en excusons. Nous nous en excusons. Pour tous les doyons et les doyons qui tentent de graviter autour de l'œuvre cinématographique de Jacques, nous nous en excusons. Nous nous en excusons. On comprend pas. Jacques Doyon. Oh! C'est qui, ça? Nous nous en excusons. Alors donc, la phrase de Bukowski, c'était « Je t'aime, Albert ». Thank you. shop. Des petits bouchons de seringues, des towing partout. Sur le trottoir d'en face, c'est pas toujours le même gars qui dort. Y'a pas beaucoup de lettres dans ma boîte à lettres. Juste des gros qui pensent à moi. Paye ci, paye ça, paye ici, paye là. C'est le décompte des comptes. Toujours un flat, pis ma chaîne débarque tout le temps. Ma vie est en panne de sens. J'ai décidé de me tuer avant de mourir de même, de plus savoir que c'est que m'a bien vouloir faire. Boire d'eau de bière ou bedon, chimer le frigidaire, regarder dehors, manger des toasts, noyer des araignées dans le bain. Ah, je reçois Kat Loris. Et un peu plus tard, durant la rencontre, viendra se joindre à nous Vincent RC. Alors, voici mon ami Kat Loris et Vincent RC. À vous, mes amis. Tu te disais, le mec escale la transition. Le mec utile quand on va mal, le pauvre con. Moi, j'avais pas pensé à mal, à contrario. Mon corps n'était qu'en pleine fringale de ta peau. Même si je ne t'aimais pas d'amour, j'étais bien avec toi tout court. Tu étais mon petit amant, le plaisir sans les sentiments, les avantages sans les inconvénients. Tu t'es plaint d'être un mec escale de transition. Le mec pansement pour cœur bancal, le pauvre bouchon. T'as déballé ton mauvais sort, tu m'as ému. J'ai voulu te prouver que t'avais tort, j'aurais pas dû. J'ai fini par t'aimer d'amour, j'ai fini par t'aimer tout court. C'était mon unique amant, le plaisir et les sentiments, les avantages et les inconvénients. Jusqu'au jour où Monsieur l'escale, tu es parti. Monsieur l'escale a mis les voiles, j'ai pas compris. J'avais pris ta place de largué, mal m'en a pris. Je suis une plage abandonnée, c'est pas gentil. J'ai fini par crever d'amour, j'étais trop mal sans toi tout court. Tu n'étais même plus mon amant, il me restait que les inconvénients, pas davantage que des ressentiments. Tu te disais, le mec escale la transition. Le mec utile quand on va mal, le pauvre con. Tu chialais sur ton mauvais sort, tu m'as aimé. Donner tort, tu m'as bien eu. Même si je déplore mon sacrifice, je crois que je t'ai rendu service. Toi qui pleurais dans tes abysses, tes sortilèges d'abandon. Fallait que ce soit toi qui sévisse pour rompre ta malédiction. Il a fallu que tu me choisisses. J'avais sans doute le cœur trop bon et comme on dit, trop bon, trop con. Fallait que ce soit toi qui sévisse pour rompre ta malédiction. Il a fallu que tu me choisisses. J'avais sans doute le cœur trop bon et comme on dit, trop bon, trop con. salut quelqu'un, ça va? Non, mais j'avais. Il n'y a rien qui pressait. Excuse-moi. Non, mais il n'y a rien qui pressait. Voyons. Mais je savais pas combien de temps j'allais être en retard. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Ça va, en fait. Oh, oui, mon prochain rendez-vous est à 14h30. Bah ouais, mais tu sais, ça aurait pu être 13h ou 13h30. Non, mais non, mais j'ai eu. Ou même midi 30, hein, des fois, il y en a conquis. Ben, il y a malheureusement. Oui, ils te font dire salut. J'adore. Ben, oui. Il y a Camille Fess qui a. Camille Fess? Ouais, qui a annulé. C'est mince, elle est pas bien? Non, ça fait deux jours qu'elle va pas très bien, donc mince, elle a pris du retard. Ça allait donc, bien pourtant. Ouais. C'est pour ça que je t'avais demandé. T'as trouvé? Ouais, ben, en fait. T'as fait qui alors? J'ai Evie qui va passer, mais pas aujourd'hui. Ouais, mais demain. Jeudi. C'est demain, non? C'est quand t'avais jeudi. Un creux? Jeudi. Le creux c'était aujourd'hui. Ah. Mais elle avait déjà un rendez-vous. Ah, et t'as essayé avec d'autres? Oui, ouais, ça pouvait pas. Même mais Bruno, c'est pas grave, Bruno Bézinet, il pouvait pas? Non, mais il y a Renaud Bernal qui s'est intercalé. Qui ça? Renaud Bernal, auteur, compositeur, interprète, qui travaille avec Boris Bergman depuis un an et demi. Renaud Bernal? Oui, auteur, compositeur, interprète. Il travaille avec qui, tu dis? Boris Bergman. Oui, ouais, je connais pas, moi, ces gens. Ben, tu connais Boris Bernal. Oui, mais je le connais pas dans la vie, tu vois. Non. C'est non, ça, non. Hein, ça change non. Tout, hein, du coup. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Donc, ouais, alors, Evie, c'est. Tu peux le prendre, le verre d'eau? Oui, ben oui, je t'allais couler pour toi. Magnifique. Ben, oui. Mais Evie, moi, c'est quand même une bonne. C'est une auteure, compositrice, interprète. Elle est géniale, Evie. Mais c'est pas un groupe, là, c'est un non. Individu. C'est comme moi. Ok, ok. Elle est gentille, modeste, généreuse, douée, drôle. Sensible, elle chante super bien, elle joue de la basse, okay. Elle est belle, elle a tout. Okay, j'adore cette fille. Ah, c'est bien, c'est bien. Et je suis allée la voir là, quand est-ce que c'était? Samedi soir, okay. Au El Alamein. Ouais. C'était vraiment bien. En première partie, elle avait Alice, ouais. Celle que je te disais ouais. Aussi. Et c'était vraiment super, elle a plusieurs musiciens. Elle travaille avec Fred Perriot, c'est son arrangeur. Je pensais que tu allais dire Fred Pellerin. Non, ah, je ne le connais pas celui-là. Non. Et puis là, elle sort son album Open Piper le 6 novembre, je crois. Ok. Donc elle a de l'actu. Ah, mais c'est bien, mais c'est ça. Pour ça. Excellent. Bah, j'ai... Puis donc, c'est grâce à toi si je la rencontre. Bah, tu lui diras, c'est oui, vraiment. Elle est super. Elle le sait. C'est bien. Parce que j'ai mentionné ton nom. C'est bien. Pour que ça puisse passer plus facilement. Bah, bien sûr. Voilà. Et... Bah, elle est en confiance, elle sait que. Oh, c'est ça. Tu vois, parce que et puis, tu connaissais pas. Je suis pas un maniaque, tu veux simplement. Ouais, c'est ça. Non, mais avec mon nom, ça passe oui, mieux. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Parce qu'elle sait que je suis quelqu'un de gentil oui, et que je suis oh, oui. Capable de pas m'emmerder avec un con. Oh, oui, c'est ça. S'il y en a ouais, un, donc ouais, si ouais. J'y vais, c'est que c'est fiable. Ah, c'est gentil. Non, bah oui, ouais. C'est normal, mais, c'est mais, vrai. Mais je t'ai vu souvent cette année, puis même à la fin de l'année, quand on a pu sortir et s'exprimer et reprendre. Ouais, c'était sport. Oui. J'ai eu du mal, moi, avec le Covid. Parce que tu sais, je suis quelqu'un d'assez hyperactif. Hey, vous dites-le, mais c'est la Covid. Et le... Ah, moi, je dis-le. Ouais, mais toi, pourquoi ça serait une femme, hein, merde? Ben, l'Office de la langue française à Québec, parce qu'il y a une Office de la langue française en France, puis à Québec, ben, ils ont dit que c'était la Covid. Ouais. Et puis ici, vous dites le Covid. Ouais, moi, je dis-le. OK, parfait, le Covid, parce que c'est un mec, s'il nous emmerde, c'est un mec. Exactement. Okay. Non, mais c'est-à-dire que, justement, c'est plutôt en réaction au « puisque ça nous emmerde, c'est forcément une femme hein. ». Ouais, ouais, bah ouais, non, ouais, ouais, on va dire quand c'est féminin. Voilà. Ouais, tu c'est vois, ça. C'est plus, après, je rigole, hein, non, mais c'est vrai que, puis la Covid, pourquoi serait une fille? Oui, c'est vrai. Mais merde, quoi. Alors, on va dire le... C'est le problème comme ça, nous les filles, ça va, on va pas nous charger en plus oh, de non. Ça. On va pas nous rendre responsables de ce truc. Exact. Mais toi, t'as trouvé ça difficile, t'as trouvé ça assez... Ouais, j'ai trouvé ça dur. Ouais, parce que... Bah, tu sais, comme je suis assez hyperactive et tout, ouais. Ça m'a coupé dans mon rythme. Ça m'a obligée à me calmer, obligée à m'arrêter. Obligée à être toute seule dans mon appartement. Ah, mais t'as un enfant. Ouais, en plus, obligée à être maman à 250%, tu vois. Moi, j'aime mon enfant, mais j'ai besoin d'avoir une vie autre que maman, quoi, tu vois. Et c'était... Et puis surtout, le truc qui était le plus dur, vraiment, c'est la privation de contact. Ouais, mais... Moi, j'adore faire des bisous, quoi. J'adore mes amis, je prends dans les bras, je les embrasse. Je suis tactile, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas ambigu, c'est ma façon de communiquer. Oh, ouais, ouais. Et... La privation, tu sais, les ouais, gens comme masque, ça. Ouais. Moi, je vois pas, je comprends pas les émotions des gens si je vois pas leur mais visage. Mais les petits-enfants ont eu beaucoup de problèmes. Mais moi, hein, je suis pareil. Toi, t'es un grand enfant. Mais complètement. Mais imagine les petits... Moi, je lis énormément de choses sur les visages des gens. Mais imagine... C'est hyper, hyper nourrissant pour moi. Les tout petits qui apprenaient, là, qui étaient en les apprentissage, maîtresses. Ça, c'est pointeur. Oui, les maîtresses, oui. Moi, mon fils, en CP, la maîtresse, elle enlevait son masque en classe, hein. Heureusement. Oui. Parce qu'il pouvait pas. Nous, on parle de professeur parce que maîtresse, pour, c'est... Oui, nous aussi, c'est ambigu. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, je sais. Ouais. C'est... Mais maîtresse, oui, la maîtresse. Bah, le français... Non, mais c'est rigolo. Et toujours très ambigu, oui, hein. Oui, il y a beaucoup de... Mais parce que chez nous, on dit jamais les gosses. Parce que les gosses, c'est les testicules. Oh, ah oui. Donc, quand on lit un texte français, mais... Et tu sais qu'aux États-Unis, coke et coque, c'est pas... Ben, c'est la liqueur ou c'est la, voilà. La blanche. Et ben, moi, j'ai un pote qui s'est trompé et qui est aux États-Unis, qui a demandé... coque, c'est une bite aussi, hein. Ah, aux États-Unis. Ah oui, coque, oh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, il arrive, il dit... I want the coque. Large one, please. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Le ouais. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Il faut c'est faire vrai. Attention avec les mots qui se ressemblent. Et surtout quand c'est pas ta langue. Hein. Bah comme oui, l'anglais, ouais. Comme beach ou beach. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Hey, en fait, l'année dernière, je t'ai vu sur des scènes avec plusieurs personnes. Donc on voit que tu collabores beaucoup. Ouais, j'aime bien. Puis avec des amis que je connais, que j'ai rencontrés. Alors c'était qui? Ah oh, ben il y en a tellement. Ouais, bah ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va et vous? Bonjour. Ça ira encore mieux quand j'aurai un truc à boire et à manger. Vous venez juste d'arriver. C'est ça. Non mais j'enchaîne. Hein. C'est bien, c'est pour ça. Non, c'est pas du tout une plainte. Hein. C'est un encouragement. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais il y a le duo que j'adore, le couple dans la vie qui m'a... Voyons, Pierre. Hein? Comment ils s'appellent, non? Hey, merde, moi les noms là. Ah, Sebka et Abir? Oui, oui. Ah ouais. Ah bah ouais. Ouais, c'est mes potes. Avec sa copine? Ouais, Sebka et Abir. Ouais. Ben, c'est grâce à eux que j'ai rencontré Claude. Eh ben oui, moi. Ouais, ben c'est bien. Oui, puis ils sont allés à Montréal. Mais je savais. Hein? Moi, je l'ai rencontré samedi. Ah ouais, c'est drôle. Le vous dimanche, vous êtes croisés, oui, mais ouais, c'est pour vrai. Ça que ça l'a intéressé. Le dimanche, il s'en allait à Montréal. Ah oui, ça lui faisait de la pub. Aujourd'hui, ben non, parce que ça ne sera pas diffusé avant quelques mois. Ouais, mais si, quand même, les gens qui te suivent sur ta page. Ah oui, ils oui, vont sans voir, doute. Sans doute. Mais c'est Montréal. Donc, bon, enfin, il est connu, Claude. Oh, il n'a pas besoin de. Oui, mais c'est vrai que c'est bien pour lui. Mais il est gentil. Hein. Mais ce qu'il trouvait décevant, c'est qu'il s'en va à Montréal faire un spectacle. Salle de 85 places, puis il y avait juste 30 billets d'acheter. Mais j'ai dit, écoute, si on ne sait pas que tu arrives, c'est normal qu'il n'y ait pas de billets de vendus. Il suffit de passer à Radio-Canada avec Monique Giroux, qui est une animatrice, une mordue de la langue française. Une... Ah, je la connais pas, elle. Monique Giroux, ben écoute, il faut voir sur Internet. Ouais, tu me connecteras. Oui, oui, oui. Oui, puis en plus, j'adore, ça m'a fait plaisir. J'adore, moi, le Québec. Oui, c'est j'adore. Ça, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de mettre la bouille avec moi, puis Claude. Ben, bien sûr, attends. Sur ouais. Le mur de Monique, puis Monique travaille à Radio-Canada. C'est donc, génial. Ça m'a fait une petite pub. Oui, il non, c'est bien pour lui. Oui, oui, c'est vrai. Il c'est donne vrai. Tellement. Il faut lui donner sais. Aussi, c'est vrai. Puis c'est un être tellement charmant. Oh oui, il est gentil. Mais sans aucune prétention. Ah non. Quand tu rencontres certains qui... Bah, oui, il est super... Alors, qu'est-ce que tu veux quoi, toi? Moi, c'est le menu du jour. Le plat du jour. J'ai pas regardé, moi. C'est un rôti de porc sauce charcutière avec des tagliatelles. Ça, c'est le plat du jour. Après, vous avez tout ce qui est marqué sur la carte. Moi, je crois que je vais prendre une planche. C'est pas du tout light, mais tant pis. La planche charcutière, la planche fromage ou la planche mixte, la totale? Et quoi donc, comme fromage dans votre planche mixte? Vous avez cantal, camembert, chèvre, saint-nectaire, bleu. ça, c'est la fromage. Je sais, mais j'adore le fromage, mais là... Et charcuterie, ça va être quoi, la poche charcute? Rillettes, terrines, saucisson, jambon blanc, jambon de pays. Ouais, allez, la charcute. Allez, on y va. C'est bien, avec un coca zéro. C'est honteux, mais c'est pas grave. Ah, oh, c'est vrai, mais vraiment. Ah ouais? Ouais, je sais, mais c'est oui. D'accord. Non, je vais pas boire d'alcool. Je vais être... Mais il n'y a pas je de souci. Je vais être ronde, et puis en plus, le coca zéro, j'adore, c'est ma petite drogue. Eh bien, on y va. J'essaie d'arrêter, mais... Un chinon, s'il vous plaît. Ouais, ouais, merci. Oh, le lèche-cul. Oui, oui, le chinois, oui. En plus, je l'adore aussi, il est tellement... Moi, j'adore un bon vin rouge, mais après, tu vois, là, à jeun, la fatigue. Petit. Non, je ne okay. Tiens plus l'alcool du tout okay, depuis okay. Que j'ai eu Alexandre. Ok. Laisse tomber. Il y a 7 ans? 8 maintenant. 8, ok. Je récupère. Ah, mais il est rigolo avec ses lunettes. Et... Mignon. Hein. Une demi-bière et je suis bourré. Ok, un intellectuel. Ouais, je pense. Ben, il a le look déjà. Ah ben, il est déjà très artiste, hein. Oui. Ouais. Ouais, il aime vraiment, il fait de la capoeira, il est bon. Capoeira, qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est la danse, c'est, à la base, c'était les Brésiliens, en fait, les esclaves brésiliens, ils avaient inventé un sport d'autodéfense, un sport de combat. Ah oui, oui, oui. Au creux des murets des plus fins sillons, j'écris mon polar infini. Dans les fissures, quelles que soient les saisons, je mets du noir aux yeux des nuits. Plus il fait jour, plus je suis sombre, je suis l'ombre. Je n'ai commis aucun péché, je tiens compagnie au silence. Me décombre front glacé, je suis le pays des remords, des damnés. Moi qui suis l'ombre. On m'exhibe aux paupières des femmes, peur dans leur ecchymose d'âme. On me traîne dans les prisons. Je suis l'ombre, je suis l'ombre. Je partage la vie, parfois le cœur des êtres, qui de peur de trahir, préfèrent disparaître. Ce n'est pas toujours leur part sombre qui les guide dans mes draps d'ombre. C'est parfois les plus grands artistes qui se cachent dans les coulisses. Je les suivrai jusqu'à la tombe, quand certains de ceux-là succombent. Je suis l'ombre. Je tiens souvent dans mes bras gris de vrais héros, des êtres humbles, comme les justes pour qui c'est simple d'avoir pour nous risquer leur vie dans un passé de résistance. Combien parachutés en France furent des espions pour l'histoire. Je nimbe les secrets défense de mon ombre, de mon ombre. Au creux des murs et des plus fins sillons, j'écris mon polar infini. Dans les fissures, quelles que soient les saisons, je mets du noir aux yeux des nuits. Plus il fait jour, plus je suis sombre, c'est moi l'ombre. Je ne cache pas que du malheur, je suis l'honneur et la pudeur. Je suis l'envers de la lumière, je suis le secret des prières. Je suis l'ombre, je suis l'ombre, je suis l'ombre, je suis l'ombre, je suis l'ombre, je suis l'ombre, je suis l'ombre, je suis l'ombre, je suis l'ombre. Et ils ont déguisé ça en danse pour être tranquille, parce qu'ils étaient hélas dominés par les esclavagistes. Oui, Robert Lepage en a mis en scène avec la danse de chez nous, donc un amalgame de tout ça, ça a donné, avec la danse indienne aussi, c'était merveilleux. Ouais, et Alexandre aime bien ça, il est bon. Et puis il fait du piano, là, il lit, il écrit la musique, ça y est. Oh, toi aussi? Moi, non, moi il est meilleur que moi déjà. Ok. Moi je compose avec ma tête et mon oreille, tu vois. Mais je sais retrouver les notes sur un piano. Éventuellement, il risque de faire des choses avec toi. Alors, on prépare un duo, là. C'est vrai? Tu vois, ouais, c'est vrai. C'est bien, ouais, c'est bien, vrai. C'est bien. En fait, il a fait une reprise d'une chanson à l'école que j'ai adorée. Une chanson de Gilles... Vigneault. Non. Le titre? Non, c'est pas un gars connu. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Dis-moi le titre. Ah, tu sais pas? Attends, parce que je... Gilles... Attends. Valiquette. Non. Non, mais... Tu vas me trouver combien pas... Non, mais je tiens plus l'alcool Québec, depuis que j'ai eu mon petit qui a 8 ans, mais j'ai jamais récupéré. Non. Ah ouais. C'est pas drôle, hein. J'étais une demi-bière, je suis pétée. Alors qu'avant, je ramassais tout le monde, moi. Ah ouais. Je tenais très très bien. Même 2 ouais. Mètres de tequila paf, pas de voilà. Problème. C'est la faute du petit. Non, mais bon, c'est arrivé. La faute du petit. Ils ont récupéré des choses. Mon corps... Ah, peut-être. C'est lui qui l'a eu. Ah bah, pas une goutte pendant 17 non, mois. Non, mais c'est lui qui doit avoir eu la transmission. Donc lui, il va bien supporter l'alcool. Ah, je pense que moi, je supportais très bien. Hein. Oh, mais, oui, mais pratique. Là, c'est rendu lui. Bon, lui, je pense qu'il supporte très bien aussi. Oui. Attends. Gilles. Attends. Je. Bouger. Hé, hé. Tu vois, tu connais pas. Gilles Poigé. C'est, j'habite un champignon. Tu verras. Oui. C'est bien d'avoir révisé parce que sinon, enfin, je me rappelle plus du nom. Pogé. P-O-G, accent aigu. Non, P-A-U-G-E-T. Ah ouais. Pogé. Pogé. Et alors lui, il a fait des chansons vraiment super, je ne le connaissais pas. Et c'est l'intervenant de musique en classe d'Alexandre qui leur a fait réviser cette chanson, apprendre cette chanson, chanter en chorale. Et j'ai eu une énorme coup de cœur. Et mon réalisateur, quand je dis Montréal, je pense que... Non, c'est pas Montréal, c'est Québec. A aimé aussi, et je lui ai dit, écoute, je vais faire avec Alexandre... On va reprendre la chanson puisque mon fils la connaît déjà. Et comme ça, j'aurai sa voix pour la vie, tu vois. Ouais. De 8 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et puis comme ça, il va découvrir mon métier. Mais ce sera sur un disque, tu vois. On va la sortir peut-être en single. Ok. Et puis je ferai. Tu me fais signe. Bah, je te dirai. Okay, de toute façon, tout ce qui va sortir, moi je communique beaucoup. Okay, okay. Après, c'est vrai que c'est pas pour utiliser mon fils parce que je le protège, mais ouais, je trouve que c'est bien pour lui de découvrir mon métier. Ouais. D'avoir des conditions professionnelles, aller en studio cabine, il va découvrir comment c'est. C'est vrai. Je trouve ça chouette. Il va aimer, quoi. As-tu de la mémoire, toi? Ouais, quand même, ça va. Alors, moins qu'avant. Tu me feras penser de prendre des photos à la fin parce que j'ai rencontré Rature hier, j'ai oublié de prendre des photos. Ben, faisons-les maintenant. Ah oui? OK. Mais Rature, tu connais? Non. Comment tu dis? Rature. Auteur, compositeur, interprète. Comment? Metteur en scène. Rature? Rature, comme raturer quelque chose. Ah, est-ce que toi tu dis Rature? Est-ce que tu le connais, Rature? Rature? Rature? Rature? Ah, c'est Rature? Non. Nous, en France, on dit Rature. Ok, oui. Mais toi, tu dis Rature. Ah oui, Rature, oui. Oui, mais comme dans le Nord. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas. Non, mais tu le connais, Rature? Ben non. Ben voyons donc. Ben je vais aller voir. Oui. Faisons-nous une photo tous les deux comme ça. R-A-T-H-U-A. Ouais, mais moi aussi. Avec le mien, avec le tien, là. Ok, attends un petit peu, là. On va se lever. Tu me fais rire avec les blaireaux. Ah oui. Attends, viens. Les chats. C'est fragile ou pas? Oui, ben non. Attends, non. Tiens, prends-en une. Ok. Mais là, le son fonctionne. Ok, pas déjà? Ben oui, ben ah, oui. C'est pas vrai. Ben oui. Toutes les conneries que j'ai dites, ben oui. Enregistré. Non, ben. Fais un bouquet. Voilà. Bon, ok. La folie. Ben là, ça peut, c'est à mon tour, là. Ok, c'est bon. Regarde. Ah, oui. J'ai une tête de... On dirait que j'ai 8 ans, oui. Ouais. Enfin, peut-être c'est pas bien. Exagéré, mais... C'est bien. Ah, ok. Mon c'est bien d'avoir mis des pieds là, donc... Et donc, tu dis Rature? Rature, oui. Je connais pas Rature, c'est bizarre, parce que... Non? Il fait les mêmes scènes que toi. Ah ben, je le connais pas encore. Ben non, mais attends, t'es pas terminé. C'est ça. La dernière. Merci. J'ai hâte de voir, ça doit être oui, quelque mais chose. La majorité, c'est parce que je me... À chaque fois, je te torture. Je me protège. C'est de pire en pire. C'est bon. C'est assez hors norme. C'est bon. Regarde, mais juste celle-là, regarde, c'est je bien. Me fais agresser par quelqu'un. On sait pas qui c'est. Il y a ça ici. Il y a ça ici. Oh là là, mon pauvre! Ça, c'est un autre. Mais c'est qui lui alors? C'est lui, Rature? Non, lui. Mais non, j'ai pas pu prendre de photo, je l'ai oublié. Ah bah oui! R-A-T-H-U-R. Tu veux un moi, c'est ça. R-A-T-H-U-R. R-A-T-H-U-R. Ah oui, d'accord. Il est avec un tutu rose sur scène. Il a fait. Avec qui? Il a un tutu rose. Ah! Formidable! Il a fait le cénobar. Tu connais le cénobar? J'aime pas. Ouais, je sais, les toilettes sont sur la scène, c'est ça? Voilà. Ouais. Comment tu le sais? Parce que je connais tout. Ouais. Ben, je connais comment tu sais que c'est pour ça que j'aime pas? Ben, je connais Pauline Paris et je connais la fille du cénobar, Christelle. Ouais. Et donc, il a fait un spectacle qui a vraiment fonctionné après régime. Paul Pechenard aussi, que tu connais pas, parce que c'est en fait, c'est dans la... Dans Paul Pechenard? Oui. Ça me parle, le nom. Ben parce que tu l'as vu passer sur mon mur. Ouais, sûrement. Ben oui, sans doute. Parce que, en fait, même dans le milieu underground, il y a des sous-milieux underground. Ben oui. Bon, voilà. Donc, ceux que je te nomme, c'est... Garance, tu la connais? Ben oui. OK, bon. Okay. Ouais, Garance, je la connais, ouais. De plus en plus, d'ailleurs. Oui. Elle est assez sauvage, hein, donc... Mais avec le temps, on s'apprivoise. Mais elle est pas juste sauvage, elle est tellement active dans tout, elle organise tout, et ben comme toi. Ouais, mais elle est dans le sens sauvage, c'est-à-dire qu'elle est... Il faut l'apprivoiser. C'est ça. Ouais. Moi, tu vois, j'ai une amie... La femme de Paul Galliana qui m'a qualifié, ça m'a tellement fait rire, le jour de furie pleine d'amour, qui qui se ruent sur les gens. Mais t'as vu comment je me rue, c'est vrai. C'est pour ça que mais ça fait des belles photos. Et c'est surtout que c'est pour ça que j'en ai vachement souffert, moi, pendant le Covid. Je pouvais me ruer sur personne. Ouais, ben oui. Et ton fils. Mon fils et mon mari, mais c'est. Qui est rempli d'eau salée, sans doute. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que quand je pars le soir, quand je peux pas faire le coucher de mon fils, je lui fais un gros bisou de rouge à lèvres sur le bras. Comme ça, il a moi, tu vois. Je vais déplacer le petit chien. Oui, c'est des chats. Des chats. Non, mais des chats. C'est moi qui fais ça tous les jours. Oui, ok, ça. Voilà. C'est des micros, il faut lui expliquer. Ah oui. Ça, j'avais compris. Ah bon, micros, non, mais je préfère préciser. Sinon, c'est gênant. Comme c'est magnifique. Ah oui, mais pour madame. Alors, est-ce que c'est bon, surtout? Non, je suis un peu sarcastique, mais c'est pour rire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème pour ça. Merci. L'eau ici, on va mettre ça ici. Il y a du beurre, en quantité, comme j'aime. Il y en a un qui est très extraverti, puis il y en a un qui est très... Oui, très calme, très retenu. Voilà. Mais oui, mais il faut bien... Merci. Si. Là, tout de suite maintenant quand même. Merci. Mais il faut, c'est l'équilibre. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Et mon mari, s'il ne me supporterait pas, s'il était comme moi. Puis est-ce que vous complétez, non? Oui. Beaucoup. Oui. La vérité se trouve toujours entre lui et moi. Okay, même si j'ai souvent raison quand même. Mais... Ah bah oui, parce qu'il n'est pas là, hein. Il est pas là. Forcément. Non, mais tu vois, oui, c'est vrai que. Je sais plus pourquoi on parlait de se ruer, oui. Donc elle m'a qualifié de furie, une furie qui s'est ruée sur elle. C'est beau. Pleine d'amour, elle est très réservée aussi. Mais ces gens à apprivoiser, moi je les aime beaucoup. Parce que tu vois, au fond, moi je suis une fausse. Je suis une fausse extravertie. Parce que je suis hyper timide en vrai. Ok. Alors tu utilises ça pour aller à l'encontre de... Ouais, je me force. Je me suis fait violence quand j'étais ado. Je me suis dit, sors de toi parce que sinon, ça va pas le faire. C'était... Ouais. Donc du coup, je... c'est vrai que du coup... Après, j'ai pris ce pli. Et puis finalement, je suis plus à l'aise comme ça. C'est vrai que je me rue un peu sur les gens. Merci. Écoute, chacun... Ils finissent par m'aimer. Hein. Ah oui, finissent, oui, c'est ça. Ceux qui m'aiment pas, je me dis bon, bah tant pis. Qui m'aiment me suit. Voilà, hein? Mais j'essaye de. Par contre, mais je suis très touchée par la retenue, la pudeur. C'est pour moi, c'est. Tu vois, Claude Lemel, on en parlait là. Ouais. C'est quelqu'un d'une pudeur magnifique. C'est vrai. C'est un hypersensible qui se cache. Hein. Ah oui. Il a l'air d'être comme ça, pas un peu bougon des fois, hein, parce qu'il est. Il faut bien qu'il se protège. Oui, effectivement. Mais en vérité, c'est une crème. Une vraie crème de délicatesse, de gentillesse, de générosité. Le talent, on le sait. Hein. En racontant la chanson très connue, Salut les amoureux, il revivait. Oui. Parce que c'est son histoire d'amour à lui. Puis il était culture. Très ému. Ouais. Avec les yeux remplis d'eau, même après autant d'années. Ah bah oui. Ouais. Ah bah il est. Il y a des moments où rien ne va. Je t'ai vu pleurer tout bas. Je devrais me taire, mais je ne peux pas faire semblant d'ignorer ta peine. Alors que tu sombres, que tu t'effondres à côté de moi. À cause de quoi je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Tu dis que j'ai pris de la distance. C'est pas de l'indifférence. Je ne peux plus supporter ta souffrance. L'amour à sens unique, c'est parfois pire que l'absence. Le temps va passer sur ton chagrin et tu comprendras. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Tu m'aimes, merci, mais pas moi. Ce sont des choses qu'on ne commande pas. Je ne veux pas forcer mon cœur à t'aimer. Je vais t'aider à me détester. Ce sont des choses qu'on ne commande pas. Laisse-moi t'aider à me détester. L'amour c'est pas sur commande. J'en donne pas à la demande. C'est pas au chantage que j'aime ou pas. Et tu auras beau menacer de te foutre en l'air. J'ai le droit d'aimer qui je préfère. Alors oublie-moi, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. si et alors, ne compte pas sur moi pour avoir des remords. Je ne forcerai pas mon cœur à t'aimer. Je vais t'aider à me détester. Alors oublie-moi, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Alors oublie-moi, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Nous, bon là, c'est vrai que j'ai eu des soucis de santé, j'étais pas en forme, donc je l'ai pas vu depuis longtemps, le pauvre. J'aime bien déjeuner avec lui. Ok. Vois. Mais chez lui, ouais. Non, on se fait des restos. Okay. Il aime bien les restos. Ouais. On va vers chez lui, ouais, dans son quartier, Moscou, on se fait des restos. Ouais. Ouais, c'est plutôt asiatique, hein, dans ce coin-là. Il est gourmet aussi, hein. Il aime bien. Oui. Il est passionné de sport, d'histoire. Il est très cultivé. Oui, effectivement. Mm. Effectivement. Il n'est pas arrivé uniquement à la musique. Et... Non. Non, non, non. Mais l'année dernière, je t'ai vu sur plein de photos que tu faisais des premières parties où tu chantais avec les artistes et t'aimes ça. Non, j'adore. Alors, tu mêles tes chansons avec celles des autres. Ouais, j'adore ça, mes chansons, mes énergies, ma vie. Ouais. En général, quand je participe à une scène avec quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui je partage ma vie. C'est-à-dire, si c'est Marine Williamson, c'est mon amie chérie, quoi. Il y a un lien fort qui nous unit, donc quelque part, quand elle m'a proposé d'ouvrir pour elle aux Trois Baudets, je l'ai pris comme un cadeau de sa part. Effectivement. De confiance, de cadeau d'amitié. Et je me suis jetée sur l'occasion et ça m'a beaucoup apporté. C'était génial. D'ailleurs, j'ai chanté. C'était une terrible salle. Hein? Ouais, bah, bien sûr, elle est géniale cette salle. Mm. C'est pour ça, c'était un beau cadeau de sa part de me permettre d'y repasser. Ça fait 3 fois que j'y vais. Oh. Et à chaque fois, c'est toujours un cadeau. La première fois, c'était? La première fois, c'était pour les 70 ans de la salle. En fait, je me suis incrustée dans. Je me suis incrustée dans une. Il y avait un appel à candidature pour qui voulait monter sur scène. Bah, moi, j'ai dit moi. Et puis, bah, du coup, je suis passée, j'ai chanté. Sur Internet. Une reprise d'Aznavour Parce que. Ah oui, ouais, bah oui, je connais. Ouais, sur Internet, et je l'ai chanté, accompagnée du coup par les musiciens qui organisaient la soirée, et c'était bien. Mais tu savais que c'était la chanson préférée de Gainsbourg? Non. Ouais. Il l'a déjà faite au piano. En fait, j'ai fait la version Gainsbourg, moi, justement. Ok, tu la connaissais? Oui, mais je ne savais pas que c'était la préférée de Gainsbourg. Mmh. Et j'adore cette chanson, elle me va bien. Elle n'est pas connue du tout. Elle est très émotionnelle. Oui, mais elle n'est pas connue du tout. Ah, bah tu vois. Mais c'est vrai qu'on ne la connaît pas. Eh bien, j'adore cette chanson qui me le rend bien, je trouve. C'est vraiment une chanson où il n'y a pas besoin de mettre trop. Il suffit d'avoir l'émotion et comme en général, j'ai les larmes facilement aux yeux. Puis c'est un texte magnifique. Hein. Alors là, tu as fait juste une chanson. Ouais, j'ai fait que ça. C'était en 2017 ou 2016. Non, 2017. C'était la première fois que je montais sur scène aux Trois Baudets. C'est là qu'on m'a appelé Kate Loris pour la première fois. Okay. En fait, je me suis offert mon baptême. Ok, alors là, tu n'avais pas de nom d'artiste. Non, je venais de choisir mon nom d'artiste. Mais ton vrai nom, c'est Catherine, ça. Ouais, ouais. Mais alors, je n'aime pas du tout qu'on m'appelle Catherine. Okay. Ça m'agresse, en fait. Alors que Kat, ça me rassure. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai lâché la valise du RIN. Ouais, ouais, ouais. Et je suis Kat. Et c'est vraiment comme ça que je me sens le mieux. Mais effectivement, mon vrai nom, mon nom d'origine, c'est Catherine Lacroix. Tu vois, j'ai un nom très... Tout ce qu'il y a de plus français... Ouais, mais même québécois, il y a beaucoup de l'accent. Ouais, absolument, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai. Hein. Oh, oui. Et donc, j'aime bien mon nom, tu vois. Mais par contre, mon identité, depuis que j'ai 12 ans, moi, je me sens complètement moi depuis que je m'appelle Kat. Et quand j'ai choisi mon pseudo Kat Loris, là, maintenant, je me sens... Mais j'ai jamais... Mais pourquoi Loris? Parce que le Loris, c'est un petit lémurien. Ok. Et c'est très mignon, non? C'est comme, tu sais, les petits lémuriens, les petits marsupiaux, là, les tout petits lémuriens avec des grands yeux. Oui, des grands yeux, oui. Voilà, oui, moi oui, déjà oui. J'ai des grands yeux quand même, hein, oui, ça oui, c'est quand même un de mes traits caractéristiques. Et puis, c'est un lémurien très mignon, il est très très gentil, très mignon, on a envie de le papouiller. Sauf que c'est le seul lémurien qui a du venin dans les crocs pour se défendre. Oh. Donc moi, étant donné que mon histoire a fait que je suis une résiliente, que j'ai été victime de harcèlement scolaire sévère. Ah ouais, hein, pourquoi que, parce que je faisais 1m74 à 13 ans et demi. Ça les a énervés, quoi, je pense. Oh, alors tu as été victime de... Ouais, beaucoup, ouais. Donc je milite beaucoup pour le contre le harcèlement scolaire. Tu dois t'attentif à ton fils? Très. Ah, oh bah bien sûr. Bah Alexandre est plutôt du genre à défendre. Hein. Tu vois, l'année dernière, il y avait un gamin qui se faisait étrangler. Pas étrangler de façon avec sa vie en danger, mais quand même, l'acte était quand même pas agréable. Il s'est interposé, il a immobilisé l'enfant qui agressait et il a laissé l'enfant agresser s'échapper. Ensuite, il est allé prévenir. Oui, ça l'a vachement perturbé, lui. Ben oui, j'espère. Et puis, bon, ça s'est réglé. Parce qu'en fait, c'est des enfants, souvent, un enfant ou même une personne qui agresse, c'est quelqu'un qui va pas bien. Qui est malheureux lui-même, c'est pas forcément du tout irrémédiable. Hein. D'ailleurs, il s'est tout de suite, ça s'est arrangé après avec ce petit garçon qui est gentil dans la vie. Hein. Ce sont des enfants, faut pas l'oublier. Donc c'est à nous de les éduquer. Hein. C'est ça. Oui. Et donc du coup, Loris. Ouais. Donc, et je trouve que quand je suis tombée sur Loris, Loris c'est aussi un prénom que je trouve joli. Je trouve que c'est féminin comme sonorité, je me reconnaissais dedans. Et puis il se trouve que je me reconnais dans ce petit lémurien qui est très gentil comme ça, mais qui a dû se développer dans la défense au cas où. Ouais. Et parce que moi, c'est vrai que je pense que les gens se disent « Ah, celle-là, elle est gentille, tiens, elle est tellement gentille, on va en profiter. Ouais. » Beaucoup de personnes ont essayé de profiter de moi dans la vie. J'ai dû apprendre à faire vraiment le tri dans mon entourage. Parce que souvent, les personnes hypersensibles, ce sont des gens qui attirent beaucoup les prédateurs. Parce que t'es gentil, tu vas vers l'autre, tu dis « Ah, ben... » C'est ça. Elle me trouve intéressant. Mais oui, donc, puis même le bon cœur, souvent le bon cœur, si tu veux, c'est comme. On éteint que ce qui brille. La gentillesse, c'est quelque chose qui peut énerver certains. Oui. Parce qu'ils l'ont plus ou ils l'ont pas eu. Et du coup, c'est compliqué. Rendu plus normal, si ce n'est plus normal. Ouais, pourtant, il n'y a rien de plus normal qu'être gentil. C'est un dû. C'est un dû de base envers l'autre. Je travaillais avec une Africaine au travail parce que j'ai plusieurs boulots. Mais elle m'a dit que j'étais étrange parce que j'étais trop gentil. Mais moi, une fois au travail, on a pareil, une collègue, celle-là, je l'aime pas, elle est trop gentille. Ben oui, c'est okay. Con. Écoute, elle pense que derrière ça se cache quelqu'un de noir, de sombre, de lugubre, peut-être un tueur en série. Peut-être que elle projette. Sans doute. C'est sûr. Sans doute. Mais j'ai trouvé ça curieux. Ben, moi, ça m'avait fait rire. Après, elle avait dit oui, puis en plus, son mari, il est super beau. En fait, elle était jalouse. Ah, voilà. Je la comprends. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. J'ai mis le grappin dessus. C'est vrai. Et depuis 16 ans quand même. C'est bon. Mais c'est vrai que tu vois, en plus, après coup, j'ai réalisé que c'est les mêmes initiales que mon vrai nom. C'est vrai. C'est elle. Et donc du coup, c'est quelque part, moi si je pouvais faire changer mon nom sur ma carte d'identité... Ça coûte cher. Ouais, mais je le ferais pas parce que je veux avoir le même nom que mon fils, tu vois. Mais des fois, mon fils, il me dit « Hey, Madame Loris, Mademoiselle Loris !» Je dis « Alors, Kat Loris, qu'est-ce que vous faites ?» Donc il a vraiment intégré, je me sens comme un personnage de BD, tu vois, une espèce de toon. Et ça me permet, comme un comédien, je pense, d'être dans un personnage, je pense que quelque part, tu mets plus de toi. Parce que t'as un certain... comme une petite pas de côté, tu sais, qui fait que tu peux être plus libre. Une carapace. Même pas, au contraire. C'est la carapace, je l'ai plus dans la vie, tu vois. C'est paradoxal. Je crois que... Moi, j'ai l'impression que la vie pose une question, la scène y répond. Ah oui. Tu vois ? Sur scène, on répond à tout. Tu peux rien cacher. Non. T'es jamais plus toi. Moi, j'ai découvert, sur scène, que j'étais timide. Il a fallu que je dépasse. Ouais. En fait, je le savais dans la vie, mais sur scène, c'était encore là. Je pouvais pas. Je savais le cacher dans la vie et j'arrivais pas à le cacher sur scène. Il a fallu que je fasse vachement de travail sur moi. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la sophro. Je me suis fait engueuler par mes amis artistes, mais avec bienveillance. Hein. La Bestiole, Armel Yonce, même Marine Williamson. Quand je suis descendue de scène aux Trois Baudets, j'étais en larmes dans la loge. J'étais pas contente. Ouais, j'étais pas contente. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as? Mais pourquoi t'es pas contente? Je disais, j'ai pas assuré. Mais si, c'était très bien. Je me suis rendu compte que j'avais un regard sur moi qui était dégueulasse par rapport à la réalité. Non, ça va mieux. Depuis ce jour-là, Le 3 Baudet. Ça va mieux, ça m'a fait du bien. Je serai jamais objective, je pense, complètement sur... je pense que c'est pas facile de se juger. Mais je fais plus confiance au public. J'ai compris que les gens, ils me voient pas comme moi je me vois. Ils me voient... Ils aiment quelque part, même mes faiblesses et mes erreurs. C'est possible. Ça, j'ai mis vachement de temps à l'intégrer. C'est Shadi Schumann qui m'a fait comprendre le premier que j'étais suffisante telle que j'étais. Couché sur le dos, face à la lumière, je rêve de tout ce que j'aimerais faire. Tu sais, j'adore rêver, rêver les yeux ouverts, rêver de toi, du bonheur éphémère. Pour te garder, je veux tout essayer. Et notre amour est-il fait pour durer? Je vais semer comme le petit pousset, des moments forts, impossibles à oublier. On veut tout faire durer, tout immortaliser, mais en vérité, le bonheur sans nuage, dès qu'il est en cage, s'envole aussitôt en fumée. Tous ces petits cailloux, ces moments entre nous, pour que tu trouves le chemin jusqu'à nous. Une chambre avec vue sur la liberté, mes mains ouvertes, jamais fermées. Je t'attendrai sans rien te demander. Si un jour tu devais t'en aller, je veux t'aimer, jamais te posséder. C'est ma seule chance de pouvoir te garder. On veut tout faire durer, tout immortaliser, mais en vérité, l'amour est un mirage et aucun trucage ne pourra jamais le figer. On veut tout faire durer, tout immortaliser, mais en vérité, le bonheur sans nuage, dès qu'il est en cage, s'envole aussitôt en fumée. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire le premier album avec lui, tu vois, j'avais un peu le syndrome Lara Fabian, tu vois ce que je veux dire? Je pensais que ma voix suffisait pas, il fallait que je chante très très bien. Et en fait, un peu comme une nana qui est jolie, qui a 16-17 ans et qui croit qu'elle doit s'habiller hyper sexy, se surmaquiller pour être belle, alors qu'en fait non, elle n'a pas besoin de ça. Mais c'est parce qu'elle manque de confiance en elle. Et moi j'ai appris, et avec mes amis artistes plus qui ont un recul, puisqu'ils ne sont pas dans ma peau. Et puis des gens comme la Bestiole, tu vois, qui ont plus d'expérience que moi, c'est mes aînés quand même. Et ben me faire engueuler avec bienveillance par Olivier Azano, qui m'engueulait quand j'avais merdé, et qui m'engueulait quand j'étais pas contente alors que j'avais pas merdé, ça m'a permis de vraiment me remettre en question. Quoi. Mais imagine, avec ce temps sur scène, il est incroyablement... mal à l'aise, on le voit sur scène. Qui ça? Alain Souchon. Ah ben oui. Donc, si tu te compares à lui, c'est un mec qui n'est jamais content de lui. Non, mais je comprends. Mais il faut apprendre, il faut s'enlever, il faut se lâcher la grappe un peu, en gros. Ben, alors, je l'ai rendu, il n'a pas changé, il est aussi traqueur, il est aussi incertain. Alors, messieurs, ouais, mais... au moins, toi, tu t'es amélioré. Oui, mais c'est l'hypnose hein, qui m'a aidé. Ah oui? Ah. Ah ouais, je crois que j'aurais pas... J'ai vraiment travaillé beaucoup. Maintenant, avant la scène, avant une scène, je fais des exercices. Même avant les 3 Baudets, j'ai fait une mini-sieste. dans les loges. J'avais pris la mini-loge qui était comme une cellule de moine. J'aime beaucoup ça, ce côté retraite, spirituel. Je me suis mise dans la toute petite loge. Bah, de toute façon, j'étais en première partie. Mais il y avait, tu vois, j'ai laissé les autres choisir. Et moi, je me suis... Mais moi, ça m'arrangeait, cette petite loge, toute petite. C'était comme un studio cabine. Mini, ouais. Mini. J'ai beau être grande, tu vois, j'aime bien les trucs petits, moi. J'aime bien les petits espaces, les petits objets, les petites miniatures, les petits trucs. Parce que c'est un peu rentrer dans un futur. Ouais, je pense que j'étais dans ma... J'étais comme un petit fœtus, là, dans ma... prête à aller sur scène et... revenir au monde. Ouais, mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que quand... tu connais Diabolo ou pas? Diabolo, oui. Qui est un immense harmoniciste, hein, puis c'est un mec génial. Et Diabolo, il m'a fait un cadeau quand j'ai sorti mon album, il a chauffé la salle pour moi avant. Donc il a eu la salle pour lui tout seul, il a joué ce qu'il voulait pendant une demi-heure. Et il a dit oui, Kat Loris arrive, elle est en train de perdre les os. T'es bon. Et c'était complètement ça, parce que j'allais faire mon premier album présenté et il y avait une salle avec une centaine de personnes, c'était waouh. Je suis arrivée, ils m'ont porté quoi. C'était un accueil. Parce qu'ils étaient à l'écoute, c'est une salle. Mais tu te dis, bah c'était une salle, là pour le coup c'était Paris Story, c'est une salle que j'avais louée, elle était bien, elle a fermé depuis à cause du Covid. Hein. Il y en a plein. Hein, ouais, quelle tristesse. Les restaurants aussi, pas juste les salles. Bah ouais, il n'y a plus vraiment, nous les artistes, on ne sait plus trop où aller. Hein. Mmh. Ah oui, c'est vrai, c'est... Puis maintenant, pour un oui pour un non, on annule. Oui. Enfin bon. Ah ouais, là, ben parce qu'il y a un couvre-feu, là. Ah ouais. Après, on a besoin de la... Les gens ont besoin de vie et de fête. J'ai envie de dire, au contraire, au plus dur, dans l'œil du cyclone, au plus dur de la tourmente, il faut pas supprimer la fête. La vie, de toute façon, c'est le risque. On vit, tu sais, dans une société de plus en plus anxieuse. Oh là là, et si jamais, et si, comme dit mon père, hein, si ma tante en avait, elle appellerait mon oncle. Ouais, mais à un moment, il faut vivre. Alors je dis pas, bien sûr, il est normal d'accuser le coup, il y a des événements difficiles, il y a des choses dures là en ce moment qui se passent, c'est clair. Hein. C'est clair, le monde, moi j'y suis sensible. Et comme mon ami Bruno Bazinet, tu vois, ma réaction face au drame, à la déception... À l'anxiété quand même légitime, hein, actuelle de la société, bah, c'est de créer du beau, d'essayer de me réfugier dans le beau, de me rapprocher des gens que j'aime, de donner, d'envoyer des énergies, des bonnes ondes. Ne pas se faire engouffrer par les médias. Je veux pas me gargariser au drame. Ouais. Ouais, c'est le négativisme aussi qui court dans le circuit médiatique. Moi, je peux pas. Je comprends hein, que certains fassent ça, mais moi, c'est pas ma cam. Je peux pas, ça m'angoisserait trop et c'est contre-productif. Et puis, je me sens responsable des bonnes ondes. Pour un artiste, il a quand même un rôle. C'est danser. Higelin, hein, je le dis tout le temps, mais il disait le rôle de l'artiste, c'est d'ensoleiller la vie des gens. Higelin, ouais. On n'est pas là pour venir mettre du noir. Non, c'est du sombre. Mais lui, il y avait tellement. Gelin, quoi. Ouais. Et tu vois, on a le droit d'avoir nos moments de... De panique, de tristesse, bien de sûr, chagrin. Bien sûr, je suis humaine. Hein. Mm-hmm. Mais sur scène, c'est autre chose. Mais même dans la vie. Moi, je me considère artiste tout le temps, quoi. Tu vois, quand je rencontre quelqu'un, je me considère responsable de ce que je vais lui envoyer. Mm. En tant qu'humaine, déjà, tout court. Ouais. Mais encore plus en tant qu'artiste, parce que je sais trouver les mots, je pense, mieux que certains. C'est le rôle de l'auteur. C'est mon métier. Du coup, ça m'arrive de trouver les mots pour quelqu'un qui n'y arrivait pas. Et ça le libère. Donc autant que je m'en sers pour... Ouais, t'es un déclencheur. Ouais, autant que je m'en sers, tu vois, pour lui envoyer des bonnes choses. Je vais pas aller gratter là où il a mal. C'est pas constructif. Je vais lui dire... Franchement, par exemple, l'autre jour, tu vois, j'ai chanté avec une artiste autiste, Asperger. Ah oui. Enfin, à la base, c'était une follower à moi. Okay. Elle s'appelle Rose Fiala. Et, Fiala. Rose Fiala. Fiala, ok. F-I-A-L-A. J'ai lourdé mon taf, j'aime pas qu'on me stresse au boulot. Moi, faut que je fasse gaffe. Après j'ai des crampes au cerveau. Ouais mais j'ai déconné. j'étais bien payée. Résultat, y a mon mec qui fait la gueule. J'ai largué mon mec, j'en pouvais plus de sa gueule. J'ai plus un copec et je dois gagner ma vie toute seule. J'ai fait une connerie, c'était mon mari. Résultat, même ma mère me fait la gueule. J'ai viré ma mère, elle squattait à la maison. Elle me pompait l'air avec ses reproches, ses questions. J'ai pas assuré, moi j'sais pas cuisiner. Résultat, c'est mon chien qui fait la gueule. Mon chien s'est barré, il est retourné chez sa mère. J'ai pas insisté, il fait trop bien les yeux de coquère. Ouais, j'suis dégoûtée, en tous laissé tomber. Résultat, je me retrouve seule avec ma gueule. S'appelle Bob, je lui plais, il a des ronds. Il va m'épouser, plus besoin de travailler. Mais juste un truc, Bob, il a une drôle de gueule. C'est pas vrai. Moralité, quand on est feignant, qu'on aime que l'argent par les gens, on construit sa vie rien que pour se mettre à l'abri. À l'abri de quoi? La faim, du froid, c'est bien beau, mais où est l'amour dans tout ça? Oui, l'amour, l'amour avec un grand A. Et en fait, elle m'a connue en 2019 quand j'ai sorti mon album Hypersensible. Oui. Elle est venue vers moi, et puis on a discuté, et puis elle était... L'hypersensibilité, en fait, avant d'en faire une force, souvent c'est difficile. Ouais. Et donc elle était dans la phase où c'était difficile. Et puis elle a séduit... un chouette gars, en lui chantant ma chanson Cerf-volant. Oh, c'est joli. Ah oui. Moi, ça m'avait beaucoup touché, tu vois. C'est séduit dans le sens de, ouais, de l'envoûter. Ouais, voilà, l'a envoûté, ouais. Mais ils sont toujours ensemble, ça fait 4 ans. Hein. Donc, à cause de toi. Ouais, à cause de toi. Ouais, bah, surtout grâce aux qualités, au charme de Rose, parce que c'est une fille super. Et elle chante bien, en plus, très bien. Et donc, du coup, les années sont passées, on est restés en lien, tu vois. Ça me touche, ce genre de lien avec les gens. Et là, elle m'a écrit il y a un mois et demi, elle me dit « Kat, je viens de traverser un gros burn-out, j'étais pas bien. Et là, je viens d'avoir un diagnostic à 37 ans. Je viens de savoir que je suis autiste Asperger. Et je vais chanter à l'association Autisme 22. » Mais qu'est-ce que l'autiste, elle ne le savait pas avant? Non. Non. Tu peux jamais sortir de ça. Bah, on guérit pas de l'autisme, on apprend à vivre avec. Et c'est très léger dans son corps. Bah non, quand même. Enfin, tu sais, léger, c'est comment dire? Est-ce qu'on est léger? Est-ce qu'on est unique de façon léger? De façon légère, pardon. Chacun est unique de toute façon. Pour moi, j'ai une vision aussi de l'autisme qui est, enfin, et du handicap de manière générale, qui finalement. Dédramatise aussi, parce que le vrai drame, finalement, c'est pas le handicap ou la différence, c'est ce que les autres vont en faire. Parce que. Le jugement des autres. Voilà, parce que, par exemple, moi, quand je travaillais avec l'association des paralysés de France, tu vois, je suis partie un mois, j'étais accompagnatrice avec l'association des paralysés de France et j'étais responsable de l'atelier théâtre. Donc, j'ai fait faire du théâtre à des gens de tout âge et avec toute pathologie et qui étaient handicapés de différentes façons. Mais c'était physique, intellectuel, tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais, il y avait toutes sortes de handicaps. Il y avait des gens qui pouvaient plus communiquer, des gens qui pouvaient plus marcher. Oh, c'était lourd. Et je faisais aussi l'auxiliaire de vie, c'est-à-dire je leur donnais la douche, je les emmenais aux toilettes, tout ça quoi. C'était vraiment un vrai engagement. J'ai fait ça pendant un mois, bénévolement évidemment. Hein. Bénévolement. Bien sûr. Sinon c'est un métier, hein, on est d'accord, auxiliaire de vie. Là, moi, je l'ai fait bénévolement. J'avais 20 ans. Et je suis partie là-bas pendant un mois. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est là pour donner la douche à quelqu'un qui peut pas le faire lui-même, bah, on papote, on discute. Oh oui. Et c'est, finalement, c'est une formalité. La journée, elle commence bien, la bonne humeur, on lui rend service. Moi, franchement, donner la douche, on s'est bien marré, tu vois. Et puis... En même temps, ça brise un peu la gêne d'être nu devant quelqu'un. Mais bien sûr. En fait, quelle gêne. Parce que quelque part, il ne devrait pas y avoir de gêne parce qu'il n'a pas le choix. La personne, enfin, le gars en face ou la nana en face, tu vois. Une fois, je me suis retrouvée à donner la douche à un gamin de 18 ans. Moi, j'en avais 20. Si tu veux, 20, 21, ouais. Forcément, on est deux humains, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu gères? On a rigolé, voilà, il y a des trucs mécaniques qui peuvent avoir lieu, on rigole, on dédramatise, ouais. C'est un jeune, quoi. Et moi, j'étais une jeune aussi, on s'est marré, on a déconné. Il y avait un gars aussi de 85 ans, je sais pas si tu connais, mais il y a un truc, c'est une... comment dire? Des fois, quand tu es très handicapé, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle un pénilex. Mmh, le ouais. Pénilex, c'est comme une capote, un préservatif ouais. que tu mets donc sur le pénis du gars. Ouais. Et ça, après, il y a un tuyau et il y a une poche, et comme ça, il peut faire pipi. Mmh. Et donc, nous, on devait lui mettre le pénilex. Et moi, je chantais pénilex. Ah oh, ouais, les Beatles. Donc, on se marrait, tu vois. On se marrait. Le gars, il savait plus trop parler, mais il disait eh, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il était mort de rire. Et donc, c'est l'humanité, ça, pour moi. Tu mmh. vois, c'est, être humain, pour moi, c'est ça. C'est arriver à faciliter la vie de quelqu'un. Et moi, ça m'a tellement apporté. Tu vois, j'ai les larmes aux yeux, là, d'en parler ouais. parce que. Non, parce que j'ai compris plein de trucs. Moi, j'avais des difficultés dans ma vie aussi, hein, les miennes, tu vois. 20 ans, j'étais pas complètement guérie de tout. Mon chemin de résilience, il n'était pas fini. Mon chemin de résilience, il n'était pas du tout fini. J'ai dû m'en sortir vers 24 ans, tu vois. C'était difficile pour moi. J'étais aux prises avec cette hypersensibilité qui n'était pas bien accueillie dans mon entourage personnel. Et il a fallu que je fasse, que je grandisse et que je les amène à grandir avec moi. Ok, ouais. Voilà. Et puis, j'étais pas guérie non plus de tout le harcèlement scolaire que j'avais vécu. J'étais pas à l'aise dans ma peau. C'est pas facile de sortir de... J'ai entendu quand j'étais ado que j'étais moche. On m'a tapé, on m'a craché dessus, on m'a fait plein de choses pas cool, tu vois. Alors que, au fond, moi, j'étais juste quelqu'un qui voulait être genre, vivant, sympa et gentil et je vais rien demander à personne, quoi. Les gens sont méchants. Hein. Les gens sont méchants, mais... Même les enfants. Ils ont été méchants parce qu'ils ont vu ma différence et je n'en avais pas conscience. Donc, ils étaient mal à l'aise de mon mal-être. Je ne l'avais pas senti. Je ne savais pas. En fait, j'étais aussi responsable que de ce qui se passait. Un avion de chasse sillonne le silence. Des trains brûlants repassent les faux plis du ballast. Mes organes sont saturés de basses fréquences. Pourtant je reste en ville dans les ondes néfastes. Est-ce un mauvais présage? Est-ce un mauvais présage? Je navigue entre chien et loup, quelle que soit l'heure. Malvoyant, j'ai l'oreille de qualité première. J'ai la chance de percevoir parfois la lumière. Ma canne me suffit car les chiens me font peur. Est-ce un mauvais présage? Est-ce un mauvais présage? J'encaisse comme un instrument de musique l'écho d'un quotidien qui déraisonne. Mon cœur roquette comme un métronome, étouffé dans un sac plastique. Est-ce un mauvais présage? Est-ce un mauvais présage? Jusqu'au fond de ma tête, mes pensées sont polluées. Mon vide gueule et prend toute la place. Dans la foule, je me sème, je perds ma trace. L'encre de mes tatouages rêve de se diluer. J'arrive rue des Mirages, je suis désorientée. Est-ce un mauvais présage? Je ne t'entends pas chanter. Une musique en moins dans le bruit de ma rue. Mes yeux qui ne voient pas savent au moins pleurer. J'espère que quelque part tu continues de jouer. J'espère que quelque part tu continues de jouer. Sous ma porte cochère, tu jouais du banjo. La bouche du RER te soufflait son air chaud. Chat noir errant des rues qui miaulait à cœur fendre. Tes chansons vermoulues, j'aimais à les entendre comme un mauvais présage. Comme un mauvais présage. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.